claquette pour pied la base. Zéro bruit sauf quand je glisse sur le gaz. Y'avait deux sacs, trois mecs, un fou. J'ai pris la guitare et j'ai fait le tour. Chaleur, loup et claquette. Le combo sacré des têtes nettes. Rider skill dans entre les pièges. Et le chasse pas, il est en siège. Un viewer m'a offert un piège à ours. Je l'ai mis sous le barbecue juste pour la concourse. Ils arrivent, ils sautent, ils crient, ils tombent. Recèquent Koh-Lanta, mais dans le bon. Un mini s'écrase sur un cactus. Un mec nu sort, il dit c'est plus. Mais Ryder, ce qu'il dit, c'est plus.